bassons, ça va depuis là? C'est plus défini que le violoncelle, ça va. Oui, mais c'est genre, c'est pas trop fort. Non. Parce que moi, je t'entends très fort. Non, ils sont comme les violoncelles au niveau équilibre. Okay. On voit qu'il y a rien. Je Ne lâche pas. On a toujours l'objectif en vue. sens un peu plus.